toi pour ceux qui viennent d'ailleurs c'est pour. Tu veux connaître la rue, je te la raconte à l'aller-retour. Tous dans la même cour, les mecs méchants, les mecs niards, les mecs armés, les vrais G.I. les inculpés du FBI, yeah. La vingtaine est passée, tu parles de ta vie en temps raté. Tu creux, tu rêvasses encore du pays des enfants gâtés. Toi t'es foutu, y'a plus grand chose, me doute à faire. Sors du concept, réveille un peu ta vie, secoue ta mère. Les poucas qui accusent les russes, les vieilles histoires d'excuses, les bus, les raclis qui abusent, les russes, les frères muscles qui s'amusent. Fais fonctionnaire une maison, un bon préhensile. Mais toi t'es bousillé dans une crise incompréhensible. Les uns les autres, puis tous tes frères partent la TMU. Ça fait trop mal, on soigne pas d'un cancer avec la CMU. J'en fais comme si hier soir t'avais pas morflé. On tombe KO frère, on s'endort pas dans les bras de Morphée. La seule loi dans la rue c'est qu'il y en a pas. Voyez-vous que de la survie nique les mafias. Tout le monde a faim, tu croyais où? Tu diras, je manque de rien, j'ai tout moi dans mon trou. Si personne t'a demandé de m'aider frère, laisse-moi dans mon trou. Plus gros salaire, plus gros problème et risque de chute. Jusqu'à fermer les barres des tchis comme le dernier des fils de pute. Non plus aucun de tes frères sonne. Ni pupille de la nation, t'es pire qu'un fils de pute. Frère dans ma rue, t'es l'enfant de personne. Tu t'as fait s'enculer, devant toi les enculés. Bref y'a les inconscients, les fous, les victimes qui se laissent enculer. Y'a plus de limites, on mise plus grand chose pour notre âme. Plus de thermostat, les fourneaux crament. Ça tourne au gramme, ça tourne au drame. Jour où t'as plus de débat, 20 ans. J'ai mal partout, seul pas ma dent. Le bif est loin, le train m'attend. Comment tu me parles de ramadan? La fonte fait le pec tôt. Fais pas le tour. T'es chez ta mère, ta vie tient dans un paquet de Malbeau. Inconscient de ma valeur, jusqu'à ce que le diable m'enterre. Un trésor négligé comme une pépite d'or chez un diamantaire. Je suis tout ce que les frères demandent. Où t'en voudras pas si tu prends la fuite, ma gueule. Tu devrais te la foutre en suite, Gerland. La porte faut un jeune pour l'ouvrir. Bien sûr qu'on fait des trucs jeunes pour se nourrir. Personne n'est trop jeune pour mourir. Personne n'est à l'abri et tous les vistes pas. Chez nous, je te jure que les intouchables ça n'existe pas. Nous d'immortels dans les Highlands, le sang sèche dans les calandres. Mon frère vole son frère à l'air, il débouffe du porc en Thaïlande. Crois pas que j'y sens quelque chose, mon frère on doute comme hier. Ni flingue ni couteau ni hier, une batte sous la boutonnière. C'est les rappeurs de la tête, c'est pas les Wu-Tang Clan. Écoute ce son, on tape ton conjoint et ta bouteille traîne. Alors t'oublies la date et l'heure, te réveille le soir, déconne. Sois devant ta mère si ça la choque, elle a qu'à voir cette conne. La passion pour les loves, l'amour d'un billet mauve. Et les riches, tu le temps, et le temps, tu les pauvres. Hey, je viens du 9-3 pour ceux qui viennent d'ailleurs, c'est pour. Tu veux connaître la rue, je te la raconte à les retours. We'll be right back.